Allô les moons! On a eu full d'attending pour notre live le 7 novembre à 20h, fait qu'on a décidé de le faire au Cabaret Berlin. N'oubliez pas de nous envoyer vos questions, commentaires, nudes et fanfiction pour notre segment Questions du pubis. Fait qu'oubliez pas, ça va se passer au Cabaret Berlin le 7 novembre à 20h. See you there les babes! Allô les moons, c'est pas Charlie pis Jess à matin. Et non, on les a mis dans un petit coin. Aidez-nous, on veut sortir. Puis on vous a concocté un petit takeover trans qui, espérons-le, ne sera pas aussi précaire que nous. Donc bonjour et bienvenue à Deux Fifles le matin, votre podcast coquin et votre seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Maxime Fadoul et je suis un petit semeur de troubles transféministes mais bienveillant. Moi, je m'appelle Clark, je suis italien, donc excuse me my French / québécois. Je suis au doctorat à l'UQAM et j'ai milité dans des réseaux transféministes queer au Québec et en Italie. Et je suis gay. Merci de la précision, Clark. Bienvenue. Comment qu'on va aujourd'hui? Ça va mal comme d'habitude. J'ai passé ma semaine à la régie du logement, donc mon propriétaire a littéralement vampirisé mon temps de vie. Mais comme mon tatouage l'a dit, dead inside but still fabulous. Et toi, là? Moi, comment je vais? Ben, je vais mal. J'ai le même propriétaire que Clark en passant, donc ça va pas très bien. Mais sinon, toujours anxieux, donc ça n'aide pas non plus. Mais dis-nous, Clark, on parle de quoi aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, on parle des transmasculinités PD. Donc, j'estime qu'au début, on va faire une petite introduction générale sur comment nous, on est représentés dans les médias. Après, on va un peu jaser sur comment ces représentations-là nous impactent dans nos vies de tous les jours. Pour enfin passer à notre homosexualité et à comment on se relationne avec les PD cis ou trans. On va voir ça, là. Donc, avant de commencer, on s'en va à l'actuel. Puis, pour être sûr qu'on a un beau pipi qui s'en vient, on se cale un gros café, puis on vous revient. Bon, en fait, on revient de l'actuel, mais on n'a pas vraiment réussi. Ben, on n'a pas réussi à pisser, en fait, parce que dès qu'ils ont su qu'on est trans et PD, ils ne savaient pas trop comment nous gérer, donc ils ne nous ont pas testé. Et sur ça, on commence cette émission. Donc, Maxime, étant donné qu'on ne se voit jamais, parce qu'on habite ensemble, et on se parle déjà tous les jours, mais je voudrais savoir, en fait, qu'est-ce que tu en penses des représentations des transmasculinités dans les médias mainstream? Ben moi, qu'est-ce que je pense, c'est que je trouve que c'est assez homogène. Donc, souvent, quand on va représenter des hommes trans, il n'y a pas beaucoup de diversité. Autant diversité corporelle, mais autant des expressions de genre. Donc, souvent, on va voir des gars trans qui sont minces ou qui sont musclés, qui sont en shape, qui sont allés au gym, tout ça. Ou sinon, ben on va voir des gars trans qui ont une expression de genre assez masculine, donc peu de fifitude, je pourrais dire ça comme ça. Sinon, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est souvent que quand on parle des hommes trans dans les médias mainstream, c'est souvent d'un regard cis, donc d'un point de vue cisgenre, parce que c'est les personnes cis qui vont parler des personnes trans en général et donc aussi des hommes trans. Donc, leurs publications vont être destinées aussi à un public cis. Donc, qu'est-ce que les gens cis ont envie de savoir sur les hommes trans et non qu'est-ce que les hommes trans ont envie de dire sur leur réalité. Donc, tout ça, ça fait un mélange qu'on va voir comme souvent des photos avant ou après. Donc, c'est ça que les personnes cis veulent voir, comme la transformation. Donc, on va pouvoir voir souvent des choses comme ça ou des personnes qui vont s'intéresser à faire des portraits de plusieurs personnes trans qui vont aussi axer sur les aspects médicaux, alors que les personnes trans voudraient peut-être parler de barrières structurelles qu'elles vivent, mais c'est pas ça l'emphase qu'on voit dans les médias mainstream. OK, ben là, t'as volé tout mon contenu, mais je vais quand même essayer de compléter. je suis très d'accord avec toi, mais en fait, je partage les mêmes réflexions que toi. Ce que je pourrais ajouter, c'est aussi le fait que je trouve que les personnes sont... Ben, les productions culturelles sur les personnes transmasculines, mais sur les personnes trans en général, finalement, nous donnent toujours des portraits très individualistes et très individualisants. C'est-à-dire que les personnes trans sont toujours interviewées ou juste racontées de manière individuelle. Mm-hmm. Et surtout dans les récits des hommes et des gars trans, il y a, je trouve, un petit peu une rhétorique qui répond au mythe néolibéral de self-made man, l'homme qui s'est fait par soi-même, blablabla. Il n'y a pas vraiment une réflexion qui prend en compte toutes les structures, en fait, toutes les relations des pouvoirs dans lesquelles on est pris en tant que personne trans, en tant que personne transmasculine. Et donc, toutes les institutions, par exemple, avec lesquelles on interagit quand on fait une transition, ou même si ben, médical ou pas. En fait, je ne sais pas si toi aussi tu avais eu cette perception-là, de ce genre de récits-là. Ben, je pense que oui, et surtout ce genre de récits-là, on les voit depuis une trentaine d'années. Donc, il me semble qu'on devrait être assez saturé, mais il semble que les médiocistes s'acharnent à s'intéresser à ces enjeux-là plutôt que de développer d'autres contenus et de céder la parole. Sinon, même quand on regarde dans les médias que les hommes trans vont faire sur eux-mêmes, si on prend l'exemple de FTM Magazine, on voit que même certains de ces médias-là, en fait, vont pas être si alternatifs ou si critiques. Je sais qu'ils ont plusieurs photos des campagnes où ils disent « This is what trans looks like », donc à quoi les personnes trans ressemblent, et dans un but de faire comme de la visibilité pour les hommes trans et tout ça. Mais encore une fois, on voit que c'est les mêmes types de corps qui reviennent, les mêmes types d'expressions de genre et tout ça. Donc même dans les médias trans, on peut voir aussi qu'ils vont j'ai de la misère avec ce mot-là. Hein? Vas-y. Perpétuer, merci Clark. De rien. Des standards cis-normatifs sur qu'est-ce que nos corps devraient avoir l'air. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a trois archétypes. Archétypes, là, excuse-moi, French. Trois types de gars trans qui sont souvent représentés dans les médias. T'as les beaux gosses musclés. Genre Aidan Dowling, la personne qui avait été photographiée dans Men's Health. Oui, je pensais à lui aussi. C'est ça. Sinon, t'as comme les guys, normie guys, un peu genre guy next door, un peu un petit vibe des régions hétéro. Sinon, t'as le troisième type qui est quand même une sous-catégorie de la première, qui est les militaires. Slash le patriote. Donc, la personne, le gars trans qui a quitté son genre d'assignation, mais qui reste quand même fidèle à sa patrie. On aime ça! Moi aussi, j'aime beaucoup ça. Mais donc, merci beaucoup. Je trouve que tu as fait un portrait très complet. Mais qu'est-ce que, selon toi, comment ces représentations-là impactent l'imaginaire collectif et les attentes des gens vis-à-vis les personnes transmasculines? Ben, un truc que je pense quand on parle de. Parler de la transition d'une personne spécifique et qu'on voit que les médias vont poser des questions intrusives, bien, je pense que ça donne une légitimité aux personnes cis de poser ces questions-là quand ils vont voir une personne trans. Donc, c'était quoi ton nom avant? Savoir qu'est-ce qui est dans tes pantalons et tout ça. Tu sais, moi, quand que je rencontre un homme cis dans la rue, que je présume que c'est un homme cis, bien, tu sais, je lui demande pas s'il est circoncis ou pas. Mais quand on parle d'une personne trans, on va se permettre de poser ces questions-là. Mais si c'était une personne cis, on poserait pas ces questions-là. Oui. Toi, as-tu quelque chose à dire? Non, je suis d'accord. Donc, dans les faits, on va juste répandre en fait, des lieux communs, des langages, des manières de s'approcher à la transitude de personnes trans en général qui posent problème et qui sont obsolètes. Et je trouve que, en fait, ces représentations-là causent une espèce d'aplatissement et de l'imaginaire collectif sur les personnes trans, sur les personnes transmasculines, mais aussi sur les masculinités en général. Parce que dans nos réseaux, dans nos vies, dans les mondes en général, il y a des cultures des genres, des cultures des masculinités qui sont beaucoup plus riches que ça. C'est ça restreint la vision de qu'est-ce qu'une personne trans et ça donne peu de modèles à qui s'identifier ou se voir interpellé par certains médias et tout ça. Donc, les personnes trans ne vont pas nécessairement comme se fier à ces médias-là parce qu'au bout du compte, on ne sent pas qu'ils nous représentent. Oui, exactement. Mais donc, est-ce que ces représentations-là ont un impact sur ta transition aussi, une influence? Ben, moi, étant un bear ou un cob, selon qui m'interpelle, mais c'est sûr que moi, je ne voyais pas ma shape représentée dans les médias. C'est sûr que je voyais souvent des gars trans qui sont minces et tout ça. Au bout du compte, ben, ça envoie un message de quels corps ils sont désirables et quels corps ne sont pas désirables. Je pense aussi que dans certains milieux, j'ai pu comme être épanoui avec comme mon corps et me sentir désiré. Mais dans les médias mainstream, je dirais que ça a influencé comment que moi, je me sentais par rapport à mon corps et comment je me trouvais attirant ou pas. C'est sûr qu'à un moment donné, j'ai changé de mind frame puis tout ça, puis j'étais plus comme en crise contre ces représentations-là. Puis je trouvais que mon corps était aussi beau, il devrait pouvoir être portrayé dans les médias. Moi, j'ai une expérience un peu différente de la tienne, je pense, parce que au début, ben, quand j'ai commencé à m'affirmer en tant que personne trans, même si j'avais accès à plusieurs types de représentations, j'avais accès à plusieurs types de ressources et aussi de récits d'autres personnes trans, j'ai quand même ressenti une espèce de pression à performer, à incorporer un certain type de masculinité trans. Donc, j'ai ressenti une pression à prendre des hormones, à intégrer des outils comme, je sais pas, des gilets compressifs ou des binders pour aplatir ma poitrine, choses comme ça, qui répondaient pas nécessairement, en fait, à mes désirs, mais comme tout le monde autour de moi les faisait ou semblait démontrer ce type de désir-là. Au début, moi aussi, je me questionnais beaucoup. J'étais disais, peut-être qu'en fait, moi aussi, j'ai envie de ça. Et j'étais quand même content, par exemple, de... Je pense que c'est bien aussi de s'accorder un temps d'expérimentation, même avec les hormones, même avec d'autres types de, d'outils, des prothèses, des choses comme ça. Mais ça a quand même ralenti, je pense, mon processus de découverte de mon désir à moi. Et donc, ça m'a pris un petit peu plus de temps de comprendre ce que j'aimais vraiment. Et c'était où, plus ou moins, ma place niveau genre. Et ça aussi a un impact, par exemple, dans ma famille bio. Là, je parle d'Italie, donc c'est un contexte un petit peu différent, mais je pense que les stéréotypes sur la masculinité trans et les représentations sont quand même plus ou moins les mêmes au niveau du mainstream. Et donc, par exemple, dans ma famille, ma mère, elle a comme l'attente que je deviens un homme du jour au lendemain. Donc, oui. Il y a presque l'urgence de sa part de voir que je deviens un homme, que j'incorpore une masculinité qui soit surtout reconnaissable au niveau social. Ouais. Donc, ça, c'est... Ouais. Donc, sur cette note joyeuse... Not my journey. Not your journey, in fact. Ça a l'air qu'ils vendent du café au DI. Donc, on y va et on vous revient hyper caféiné s'ils nous laissent rentrer. Ok, là, on revient tout juste du G.I. Joe. En fait, c'est moi la personne qui est rentrée en première pour chercher le café, mais apparemment, j'avais pas assez de moustaches et j'avais des boobs, donc on n'a pas pu boire du café. Désolé, Maxime, d'ailleurs. Écoute, c'est pas grave, Clark, mais par solidarité, ça valait de soi que j'allais pas rentrer. Pas non plus, là. Et sur ça, est-ce qu'on parle de nos sexualities? Sexualities? Toi, là, t'es queer, là? Moi, là, je suis queer. Oh my God! Mais oui, ben c'est ça. Je pense que, ben pas que je pense, hein. Je suis une personne queer, autant niveau politique que pour mon orientation sexuelle, j'utilise les deux termes. Sinon, quand je vais être avec des personnes qui ne savent pas trop ça veut dire quoi queer et que ça ne me tente pas d'expliquer, je vais souvent dire que je suis une personne bisexuelle, pour aller okay. plus simple. Moi, j'utiliserai les termes homoflexibles pour me décrire. Oh my God. Parce que j'aime les gars. Et les personnes masques en général, mais je suis quand même ouvert à la possibilité de rencontrer quelqu'un, quelqu'un d'autre. Et sinon, dans ma langue maternelle, en italien, j'utiliserai les mots froccio, qui est à la base d'une insulte qui a été réappropriée par les minorités sexuelles et des genres, et qui est maintenant un terme parapluie qui regroupe des genres et des sexualités dissidentes. Mm-hmm. Toi, si tu les connais, je sais. Oui, je sais. Oui, je connais. Ouais. Excusez-moi. Est-ce que tu veux dire ta phrase en italien? Ma phrase en italien? Ouais. Sono una froccia e amandu. Sono una froccia. Sono una froccia ansiosa. D'habitude, je le dis si facilement là... avec beaucoup d'aisance, mais écoutez, c'est ma première fois à la radio. Là, je voulais te poser une question par rapport aux espaces, aux contextes qui sont connotés au niveau sexuel, disons. Je voulais savoir si tu remarques des différences entre les espaces lesbiens, les espaces gays, les espaces queer, s'il y a des espaces ou des contextes qui te mettent plus à l'aise. Mais c'est sûr qu'une des plus grosses différences que je veux voir, c'est en termes de financement. Donc, on voit que les espaces gays sont souvent plus financés que ouais. les espaces Gwyn, par exemple, ou les espaces queer. Donc, il y a une pérennité de ces lieux-là. Il y a des lieux physiques où que les gens peuvent aller se rassembler. Avant, il y avait le Drugstore ou le Royal Phoenix, mais bon, ces lieux-là ont disparu en raison du financement déficitaire, en fait, qui manquait de financement. Donc, on voit qu'il y a la difficulté pour ces lieux-là de maintenir leurs activités. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que tu penses la même chose ou tu... Oui, je pense absolument la même chose. Je pense que c'est très éclatant à Montréal, surtout comment les espaces lesbiens ont été complètement effacés de mm-hmm. la carte. Mais j'ai remarqué aussi que dans les dernières années, il y a des collectifs qui sont créés comme le collectif Taking What We Need, qui sont des collectifs, comment dire, autogérés par surtout des femmes trans, des femmes trans, qui ont réussi à recréer tout un dynamisme culturel autour de la culture dyke, et pas forcément ouais. d'un point de vue cis, parce que c'est des dykes, des femmes trans. Puis leur partie fonctionne très bien. Oui, on j'adore. On voit beaucoup de personnes y aller. J'adore. Ouais. J'adore ça. Et moi, mon expérience par rapport au lieu, au contexte, est peut-être, je ne sais pas, un peu différent. Moi, d'habitude, j'aime bien co-construire des réseaux qui sont basés plutôt sur des affinités plutôt que sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Et donc, d'habitude, j'aime bien comme traverser des contextes, je ne sais pas, féministes, où il y a des personnes qui me ressemblent, mais pas forcément parce que c'est des autres personnes trans, mais on a comme des affinités sur plusieurs plans. Ouais, au plan politique. Au plan politique et tout ça. Et je ne me sens pas très bien dans les espaces gays, d'habitude, ou dans les espaces entre hommes en général, parce que mon expression de genre fait en sorte que je ne suis pas vraiment reconnue comme personne homosexuelle. Et je remarque aussi, parfois, j'entends aussi qu'il y a quand même un gros problème de misogynie. Oui. Je ne sais pas si toi, tu as remarqué ça aussi. Ben moi, oui, je l'ai remarqué. Ce n'est pas moi qui ai vécu cette misogynie-là. Moi, généralement, j'ai quand même assez de facilité depuis les dernières années à traverser les milieux gays. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais c'est sûr qu'en transitionnant, en prenant des hormones, plus que mon visage et mon corps se masculinisaient, plus que ça devenait facile d'avoir accès à ces lieux-là. J'aime bien aller au stade, aller boire une bière avec une personne ou y aller carrément tout seul. Je trouve que c'est des lieux où on se sent bien d'aller faire ça. Par contre, je sais que quand j'y vais avec mes amies filles, elle trouve ça difficile. Donc souvent, c'est la seule fille dans tout le bar. Et ça, on la regarde pendant 5 minutes. T'sais. Sinon, moi, j'aime bien aller au NDQ. T'sais, j'aime bien leur... C'est dans mon quartier. C'est dans ton quartier. C'est dans notre quartier. Dans notre quartier. Là, j'habite avec toi, puis ça va être moi sur le bail, fait que, s'il vous plaît. non, mais c'est ça, le NDQ. J'aime bien l'espace. Ils ont de la bonne pizza aussi. Ils font des soirées speed dating, T4T. Je suis allé à mon premier speed dating la semaine dernière. C'est quand même assez overwhelming, mais c'est assez intéressant. Puis c'est ça, le karaoké, c'est toujours winner, même si je chante pas. Donc, toi aussi, t'as remarqué que dans les espaces gays, il y a quand même du gender policing. Oui, beaucoup. Surtout par rapport à certaines expressions surtout, de genre. Ouais. Et surtout aussi par rapport aux personnes trans. Donc. Oui, puis moi, je trouve que qu'est-ce qui est difficile, c'est dans les saunas, parce que je ne suis pas opérée. Donc, ça devient difficile. Donc, si je laisse tomber ma serviette, c'est toujours un moment un peu anxiogène. Donc, je pense que oui, je peux traverser certains milieux gays plus facilement, comme les bars. Mais même là, quand on vient le temps de cruiser, ben, je vais souvent être sur le break, parce que c'est quand que je dis que je suis trans, comment j'introduis ça, j'ai-tu vraiment envie de le dire, tout ça. Mais par contre, au sauna, c'est une autre histoire, c'est plus difficile. T'sais. Est-ce que tu as envie de me poser la même question? Comme ça, je peux répondre. Écoute, ben oui. écoute. Et toi, Clark, parle-moi de ton expérience. Non, c'était pas ça la question. Non, la question, c'est comment ça, les espaces gays sont aussi intenses dans les gender policing, là. OK. Tu tes notes, là. Ben, écoute, je pense que j'ai dévié un peu de la question, fait que j'étais encore sur l'autre. Mais dis-moi, pourquoi sont aussi intenses les espaces gays dans le gender policing? Ben, parce que je trouve qu'ils sont quand même dominés par une culture qui a été façonnée par les hommes cis. Et donc, il y a encore un certain type de virilisme, peut-être conscient ou inconscient, qui se chevauche aussi avec un certain type de cisnormativité. Je trouve que, par exemple, dans les contextes transféministes et queer, on a quand même fait un gros travail culturel pour désensialiser et délier les notions de sexe, de genre, de race, et aussi de délier les genres des organes génitaux. Je ne suis pas sûre que dans les espaces gays, ils ont fait ça. En fait, ils n'ont pas fait ça. Je trouve que c'est une culture qui est encore très centrée sur la génitalité. Ouais. Les vagins, c'est dégueulasse. Les vagins, c'est dégueulasse. Et donc, à partir de ça, bon, il y a plein d'attentes, des violences langagères qui se font vis-à-vis les personnes trans, lâchent les corps qui ne sont pas des corps traditionnellement loups comme des corps gays, mâles. Non, c'est ça. C'est ça. Par contre, qu'est-ce que ça me fait penser aussi, c'est que qu'est-ce qu'on peut dire sur les espaces gays? C'est que moi, je trouve aussi que peut-être... Ben, je peux pas te dire... On peut pas nécessairement le comparer de cette façon-là avec les milieux queer, mais moi, j'expérience moins de grossophobie dans les espaces gays. J'ai l'impression que, comme il y a une culture bear, tout ça, je pense que... t'es un bear, toi. Moi, j'étais un bear. Là. C'est ça. Donc, je trouve que ces corps-là sont plus valorisés, de mon expérience, dans les milieux gays. Je trouve que dans les milieux queer, il y a beaucoup de grossophobie sournoise, très cachée, que le monde se ressemble, tout ça, et qu'on va... Toutes des poseuses, là, c'est ça. Mais écoute, sur ça, là... J'ai besoin d'un café, moi. Moi aussi, j'ai besoin d'un café. Fait qu'on s'en va chercher un café vite, à la graine brûlée, puis évacuer notre pipi qu'on n'a pas eu le temps de faire à l'actuel. OK, donc là, on revient de la graine brûlée. J'ai eu un peu de mal à pisser à cause du stroboscope qu'ils ont dans les toilettes. Pas beaucoup de chance aujourd'hui avec la pisse. Non. Et sur ça, on commence la dernière partie de ce podcast. Maxime... Là, on parle de cruising entre tapettes si c'est trans, là. Très important. Mais avant ça, c'est quoi, selon toi, les présomptions des hommes gays cis sur les hommes trans? C'est tout des bottoms. La première présomption, c'est que c'est ça, c'est qu'on est des bottoms. Puis c'est pas parce que j'ai un trou de plus que toi que je peux pas topper. OK. Toi, Clark, vas-y. C'est quoi les présomptions que tu trouves qu'il y a envers les hommes trans de la part des hommes gays? Ben moi, j'ai arrêté de coucher avec les hommes gays depuis quelques années, en fait. Je suis T4T. Je suis un chaser, un trans lover. Donc, si tu as envie de nous dire plus sur ça, enfin, vas-y. Là. Ben, je pense aussi qu'il y a une présomption sur les termes qu'on va utiliser pour parler de nos organes génitaux ou de notre corps en général. Donc, on va souvent, exemple sur Grindr, me parler de mon vagin. Mais on ne m'a pas demandé si c'est ça le terme que j'utilisais, donc on présume. Pourtant, il y a une panoplie de termes que les gars trans vont utiliser comme dick clit, bonus hole. Mais là, tu demandes beaucoup, hole. Maxime. Tu demandes écoute, beaucoup. Là, à un moment donné, il faut se mettre à jour. Je suis d'accord avec toi. Là. Beaucoup de rattrapage culturel pour les tapettes cis. Donc. Man pussy aussi. Man pussy. Ben, man pussy, c'est un autre alternatif. Ah, okay. Certaines personnes vont utiliser ce terme-là. Donc, il faut demander. Demandons comment les gens veulent qu'on appelle leurs organes génitaux. OK. Mais sinon, moi, je voudrais savoir ton ancienne expérience là, sur Grindr. Tu veux-tu nous parler de qu'est-ce que les hommes cis te faisaient vivre? Ben, pour moi, Grindr, c'était vraiment no posy vibes at all. C'est-à-dire que je ne me sentais pas désirée par les personnes qui étaient sur Grindr. Et il y avait des personnes qui me contactaient parfois, qui me posaient des questions un peu à la con, comme « qu'est-ce que ça signifie, transmasculin, blablabla ». Et on était toujours dans des dynamiques de crew, ben, même pas de crews comme ça, en fait. Donc, à un moment donné, je me suis juste demandé « qu'est-ce que j'ai fait ici ?»« I don't belong here ». Et donc, parce que c'est ça, il y avait la dimension du désir qui s'est perdue complètement. Enfin, je savais pas pourquoi j'étais sur Grindr. Je me sentais pas désirable, je désirais pas les personnes qui me parlaient. Et... je trouvais pas ça validant et aussi, in the end, I don't need validation from random cis gay men. Et donc, j'ai juste quitté. Et là, ma vie a complètement changé. Ben, moi, j'étais encore sur Grindr. Puis je pourrais te dire que j'ai un peu la même expérience que toi, qu'on va me demander ça va être quoi, ça veut dire quoi être un homme trans, ou tu sais, les gens vont pas comprendre c'est quoi la différence entre un homme trans et une femme trans. Donc souvent, on ne savait pas j'étais trans de quel bord. Ça m'a souvent arrivé, et même une fois, ça m'est arrivé pendant un rapport sexuel que la personne se demandait pourquoi j'avais des cicatrices sur mon chest. Donc ça, c'était assez malaisant. Pourtant, c'était une belle base, mais bon, c'était quand même un. Bon, j'ai décidé de laisser ça aller. J'étais quand même au Saguenay chez quelqu'un. Puis, genre, c'est lui qui était venu me chercher à mon Airbnb. Fait que j'ai resté là. Mais c'était assez agréable quand même. Sinon, il y a beaucoup de turn-off sur Grindr. Donc, quand on m'écrit et que la chose qu'on m'a dit, c'est « t'as encore ta plotte », ben moi, ça me tente pas de te répondre. Ça me tente pas de te répondre, là. Écoute, mais j'en ai d'autres de même, là. « Hey, t'es opéré? » Puis là, je réponds pas. « Allô? » Donc, tu sais, c'est comme, ben Chris, je te dois rien. Et souvent, d'accord. C'est que les gens me demandaient de leur raconter mon parcours. Hey, je suis là pour cruiser, je suis pas là pour t'éduquer, ça me tente pas. Puis, tu sais, c'est comme, tu sais, tu me demandes du travail, là. Ouais. De genre prendre le temps de te parler de ma transition du début jusqu'à aujourd'hui, tu sais. Ouais. C'est un peu intense. Ou sinon, how did you become trans? Et qu'est-ce que j'ai dit? Magic. Mais donc, I woke up like this. J'ai beaucoup d'histoires comme ça, tu sais. Alors, ouais. Sinon, se faire insulter quand tu dis non ou que t'es pas intéressé. Donc, c'est un peu, je trouve ça vraiment bizarre comme dynamique. Et tu sais, je me dis qu'une chance que j'ai pas continué à te parler ou que j'ai pas décidé de te voir avant que quelque chose arrive, parce que ça dit quand même beaucoup sur la personne. Si un simple non ou de dire je suis pas intéressé et là tu reçois une montagne d'insultes, ben c'est pas sexy. Puis en fait. En tout cas, t'es beaucoup résilient. Je suis beaucoup résilient. Merci, Maxime. Je pense pas trouver l'amour sur Grindr, mais on sait pas. Moi, j'ai gardé juste OkCupid comme app de rencontre. Puis même là, je l'utilise pas en ce moment parce que je sors avec un joli garçon qui s'appelle Giacomo. Ben là, oui. Mais j'ai quand même amené une très jolie posy quand elle, Sean, m'a écrit sur OkCupid il y a 2 ans. Yes. Musique des pianos dans le background. J'aime ta photo de profil, si c'est ton vrai toi. Si tu es un vrai mâle, j'adore. Ça serait cool si tu es un vrai gars biologique. Et si tu aimes avoir du fun, et on ne doit pas se déguiser en femme. J'aime tes piercings par contre. Je suis un gars des années 80, et donc nos intérêts en termes de musique, c'est match. Sean. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai pas répondu là. D'ailleurs, c'est une traduction libre du français à l'anglais que j'ai. Non, de l'anglais au français, excusez, parce que Sean était américain. Non, j'ai pas répondu, j'avais pas le temps pour ça, mais j'ai trouvé ça très, très intéressant comme imaginaire. Ouais. Tu sais, parce qu'il comprenait pas là. Ouais. Je pensais que j'étais peut-être tapette en drague. Mais alors que j'ai porté juste un sweater, en plus, c'était plus juste comme... Moi, des fois, j'ai remarqué que si quelqu'un, je trouvais cute, je pouvais laisser passer plus d'affaires. J'ai quand même remarqué ça, tu sais, c'est triste, mais bon, c'est une application de cruise. J'ai quand même aussi remarqué que quand moi, j'écrivais avec des gens, il n'y avait pas beaucoup de chances qu'on se rencontre, mais quand que les gens m'écrivaient, là, j'avais plus de chances de rencontrer des gens. Fait que donc, moi, je me suis demandé pourquoi ça arrivait pas que je rencontrais des gens alors que c'est moi qui ai amorcé la discussion. Donc, mm-hmm. ça m'arrive assez souvent. Donc, quand moi, j'amorce la discussion, j'ai pas de retour ou que ça va nulle part. Mais quand c'est le contraire, ben mm-hmm. c'est ça. Moi, j'ai quand même pris la chance d'aller sur un Grindr date il y a 3 ans. Ben, le gars était déjà lourd. Ben, il était lourd parce qu'après m'avoir posé 2-3 questions symboliques, il a commencé à parler et il n'arrêtait plus. Donc, moi, j'ai commencé à dissocier, à penser, je sais pas, aux chèvres qui courent dans les montagnes en Italie. Puis, à un moment donné, j'ai entendu qu'il... Après 1h30 qu'on était dans les bars, il m'a mégenré parce que je pense qu'il avait commencé à boire. Ben, il a bu, donc il a, comme, tu vois, il a perdu un peu les contrôles. Et là, il m'a mégenré. Et là, j'ai dit, OK, bon, là, déjà, c'est mal parti. Bye! Sinon, moi, qu'est-ce que j'ai trouvé? C'est que des fois, c'est comme si, genre, qu'un gossiste m'écrivait, c'est comme si, genre, puis que je dis non. Il se sent comme si j'étais la seule. Tu sais, comme si, si personne d'autre pouvait m'aimer, genre. J'ai souvent reçu ce truc-là. Je sais pas comment le formuler, mais comme. Tu devrais te sentir chanceux que je te trouve attirant puis que j'ai envie de te fourrer. Tu sais, c'était vraiment ça. Ben, c'est comme charity. Ouais, c'est ça. Huh. Sinon, on s'étonne que les gars trans, on est plus beau que les gars cis. Ou que souvent, tu sais, comme on est plus beau que certains hommes cis. Je trouve que les hommes cis ont de la misère avec ça. Comme, ah, comment ça, il est plus beau que moi? Puis, tu sais, tout ça, ben, écoute, c'est la vie, là. Puis, c'est comme ça. T'as-tu d'autres choses à nous dire? Non, ben, je voulais juste dire que ben, on a parlé beaucoup de gars cis dans cette émission, mais il ne faut, ben, faut pas oublier que il y a aussi de ben, l'homosexualité, c'est pas juste entre personnes cis ou entre gars trans et gars cis, mais aussi entre gars trans. Il y a pas mal de choses qui se passent là. Puis que les gars trans sont lourds aussi. Ben ouais, c'est sont oui. lourds aussi. Moi, je les aime plus quand même. Mais bon. Mais je pense qu'on peut aller chercher notre petit dernier café de la journée parce qu'à un moment donné, il faut bien finir la soirée. C'est ça, là. Le matin? Ben, le matin, ça. OK, on y va. On y va. C'était tout pour notre émission de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure en tapant 2 FIF le matin, le chiffre 2, FIF avec un X à la place du I, parce qu'on veut pas se faire shutdown par la police des mœurs, puis le matin en un mot. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles partout où vous écoutez des podcasts. Bye la gang! Ciao! Laissez-nous sortir! Bye les moons! Non, partez pas! Laissez-nous sortir! Laissez-nous partir!